d'excentricité. 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. Vous écoutez les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 24 au 30 novembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut, JP. Salut, Mathieu. Encore là, une troisième semaine de suite, c'est quoi l'affaire? Ah ben, je sais pas. Ça n'a pas rapport à être là tout le temps, même. J'aurai des meilleures résolutions en 2015. Donc, ça va très bien. On commence les jokes des fêtes. Oui, ah. Ça y est. C'est vrai. Ah oui. C'est Black Friday, hein? Ah oui. Ben oui. Ben oui. Ça sent bien. Ça sent bien. Donc, on est là pour 3 heures de la meilleure musique que c'est pour vous offrir. Bien évidemment, c'est ce qu'on fait toutes les semaines. On va avoir là-dedans Palm Rest in Peace pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés. Oui, puisqu'on est dans la portion New Shit, Mathieu. Évidemment. On va avoir un instant classique. Oui, pour savoir ce qui s'est passé la semaine passée. À Assemblage Ricky. Ailleurs dans les palmarès. Pour voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Mais on va débuter, tu l'as dit, avec la portion New Shit, c'est-à-dire les nouvelles entrées. On en a 4 plus tard. En anglophone, il y aura Coco Méliès et And You Will Know Us by the Trail of Dead. Et ça, c'est juste un groupe. Oui, quand même, hein. Elle prend 4 lignes. Ouais, ça. Et du côté francophone, on va avoir Médéra et Lubic, qui est Mathieu. Ouais. Ouais, ça prend 4 lignes. On dirait que tu dis genre une nouvelle pièce de 4 lignes. Là, 4 lignes. Ça va bien. Donc, nouvelle entrée en 20e place anglophone. Ce sera Trail of Dead avec A Million Random Digits. Mais on va commencer tout de suite avec Laisse-toi aller, Mathieu, avec Lubic. Ah, allons-y. Bonne émission. Entrée. entrée. Le bloc des 19 et 20e places, on vient d'entendre Coco Méliès et Winter Glove sur l'album Lighthouse, nouvelle entrée en 19e anglophone. Et 19 francophone, c'était Medora avec la chanson Silage. Avançant en 20e. Entrée. Oui, nouvelle entrée. Avançant en 20e place, une autre nouvelle entrée de And You Will Know Us by the Trail of Dead, c'est A Million Random Digits. Côté francophone, c'était Lubic avec Laisse-toi aller. Okay. Oh yeah! C'est tu dis. Oui. Avant de continuer plus longtemps. Alors, on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées parce qu'on vient d'accueillir quatre nouvelles entrées. Donc, on dit au revoir à quatre anciennes. Ouais, Palmer Rest in Peace. Hein? Voici les pièces qui nous ont quittées depuis les précédents palmarès. the fuck out of it. C'était les six des pièces qui ont quitté les Paparazzi Fous depuis l'édition du 17 au 23 novembre 2014. On a commencé avec la pièce de Canaï Texas qui est restée avec nous cette semaine. Oui, Texas, mes souhaits en me disant ça. Texas. Ensuite, Salomé Leclerc qui a Arlon, Arculé, Arculon. Ben oui, ben là, toi, t'es supposé dire Arlon, puis là, moi, je suis supposé de faire la gang. Moi, c'est pas mal ça. Mais ben, ça a duré 9 semaines. Alors, non, mais ça marche pas. Donc, on a eu Elephant Stone également avec Motherless Child. 9 semaines également, Mathieu. Oui. Et un téléphone qui sonne. Oh! Et est-ce qu'il va nous dire la prochaine pièce qui était là? Je vais regarder c'est qui. Ouais, c'est ça. Fermez ça. OK. Et on a terminé avec Rural Alberta Advantage qui est retourné dans sa ruelle lointaine de l'Alberta. C'est On the Rocks. Eh oui, 4 semaines. C'est comme si c'est quelqu'un qui s'est lancé en bas du... non, c'est une blague de suicide, c'est pas très approprié. Non. Mais t'atterri sur des roches puis finalement a duré juste 4 semaines. Voilà. Pas mal ça que ça veut dire. C'était bas, ça. C'était pas très beau. Donc, Rest in Peace, on fait ça chaque semaine. C'est quand on dit au revoir aux pièces qui nous ont quittés. Ah, voilà. On saute maintenant par-dessus les positions numéro 18 et 17. En anglophone, on aurait entendu Orange O'Clock avec Home Run qui descend de 6 et The Stripes avec The Perfect Storm qui descend de la 8e place. En francophone, en 17e, on aurait entendu Holly Laroche avec Enveloppé Ensemble et on aurait écouté aussi Lord Larry Edges avec Rien ne va plus en 18e. On va sauter directement aux 16e place parce qu'elles étaient nouvelles la semaine passée, donc on doit se les... on doit se les taper. Ben oui, se les taper, les comprendre, oui. Savoir c'est quoi leur but dans la vie, t'sais. Donc, c'est leur métier plus tard quand ils seront adultes. Position numéro 16, anglophone, ça monte de 2 places. C'est The Last International avec Killing Fields. Et qui descend d'une place, Mathieu, par rapport à la semaine dernière, on va écouter en franco Sago, oui, avec Mot de Mars. Sagos. faut prendre une voix vraiment... Sagos, c'est les palmarès, c'est fou. You talking loud, but Fields par The Last International. Ça monte de deux places en 16e position anglophone. Et en franco qui descend d'une place, Sago avec Mot de Mars. Eh ben, qu'est-ce il est parti par en haut un petit peu. C'est d'une place, mais c'est pas grand-chose. Mais c'est... hein? Il est pas parti Sago, ça, on peut le dire. Il non, est parti c'est juste sur... Dans un étage. C'est ça. Donc, on est rendu maintenant au 15e place du côté anglophone. C'est Return for Refund avec une nouvelle entrée d'il y a deux semaines. C'est TV Live qui descend de la 6e place. Et là, ça descend un peu plus, Mathieu, de 10 places. Ça passe de la 5e, 15e place francophone. C'est Bernary avec Krajcová. Ah ben là, hein? Krajcová. On sait jamais, hein? Non, en fait, je dois avouer que je le lis même plus. Je me dis juste ça sort comme ça. C'est Krajcová. Krajcová, ben je l'avais. C'est pas elle qui jouait là, dans Passe-Partout, la grand-maman, là, c'était Kim Krajcová. C'est Yaroshevskaya. Kim Yaroshevskaya, c'est ça. Mais c'est pas ça, Mathieu. C'est aussi compliqué que Kim Yaroshevskaya. mais bon, sûrement tout aussi drôle. Et ouais. Donc écoutons ça, Bernary. Oui. Je pense que ce serait mieux de même. Oui. Notre palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est pour vous offrir, comme Passe-Partout était le condensé d'éducation. Voilà, qu'on avait à nous offrir. On n'apprend rien ici, finalement. C'est ça que ça faisait. d'excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. 15. C'était Return for Refund des TV Light qui descend de la 6e à la 15e place anglophone. Et qui descend de la 5e à la 15e francophone, c'est Bernary avec Craig Schrober. C'est-tu pas plate pour lui, ça c'est dommage. Ben, il est encore là. Ben oui, c'est ça. Faut l'apprécier. Ben oui. Il est encore là. Profitons-en pendant qu'il est encore là. Ben voilà. On va y aller avec les prochaines positions. Les 14e, non, on ne saute rien. Vous me demandez, mais Colin, d'habitude, vous sautez toutes. Ben, on garde ça pour plus tard, le sautage. Oui. Quelques secondes. C'est ça. Du côté anglophone, ce sera Melly Grove Band, 3e semaine de présence pour la pièce Don't Wanna Say Goodbye. Et qui descend de 4 places, Mathieu. Ça va être Morticus avec Miroir, Miroir. Alors, elle saute à chaque semaine parce qu'elle est plus vieille que les autres, là, mais là, aujourd'hui, on la fait jouer parce qu'on a envie de l'entendre. On se gâte. C'est ça. C'est des palmarès assez fous au 89.1 FM. Yeah. 14. J'adore ça, c'est Mary Grove Band et Don't Wanna Say Goodbye. C'est la position numéro 14 anglophone, ça monte de 2. Et Zara Franco, on a entendu Mordicus avec Miroir Miroir qui descend de 4. Tellement. Maintenant, on doit sauter par-dessus quelques affaires. On l'avait dit tantôt qu'on le ferait, donc on vous avertit. Soyez pas choqués. du côté anglophone, on saute les 13 et 12. Enfin, on va sauter les 13 et 12 de chaque barre. Donc en anglophone, c'est Rich Aquin et Four More Years qui montent de 2. Et en 12e, c'est Dead From Above 1979 et Trainwreck 1979 qui descend de 2 places. Et en francophone, on va sauter par-dessus Guillaume Beauregard et De Pluie et de Cendre qui est stable à la 13e position. Et on va également sauter par-dessus la 12e qui descend d'une place. C'était Chocolat avec Burnout. Ben oui, mais par processus d'élimination, on comprend qu'on va entendre les 11e. Si vous êtes fort. Détective privé hors de venir. Du côté anglophone, ce sera Caribou et Our Love qui descendent de la 3e place. Et qui monte d'une place, Mathieu. On va entendre immédiatement Machine Géante avec L'Effet Veuve Noire. Au palmarès, c'est fou. C'est ça que t'écoutes. Crème, on a la piqûre. Comme une je sais pas, ça pique-tu une veuve? Non, j'ai aucune. Sûrement. Mais son mari est mort, son. Ça, c'est sûr que oui. Ils sont afro-américains. Yeah! Soundcheck. Sérieux. Dentier. Dentier. Caribou et Our Love qui descend de la 3e à la 11e place anglophone. Et qui descend d'une place en franco, c'est les Machines Géantes avec l'effet Veuve Noire. C'est la fin de la portion New Shit des Palmarès Ifo. On se retrouve dans quelques minutes pour la portion Top 10. Oui. Ça va être là? Un petit bout. Un petit bout, hein, c'est ça? Un petit bout. Un petit bout. Un caribou, comme on dit. Un caribou! C'est le groupe qui vient de jouer pour ceux qui suivent. Donc, au retour, les gars de Mashup et The Bar Brothers, entre autres, Palmarès Ifo. Restez avec nous! Sur cfou.ca. C'est la deuxième heure, la portion top 10 des Palmarès Ifo pour la semaine du 24 au 30 novembre 2014. Et Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Ouh! Ha ha! Ha ha! Portion top 10 qui débute comme le veut la tradition par nos positions numéro 10, Jean-Philippe. Oui, Mathieu. Ouais, mais avant ça, je vais vous dire que plus tard, il y aura les meilleurs moments d'assemblage requis. Oui. Dans un instant classique. Ça va être beau. Ça, c'est en plein milieu d'émission puis en plein milieu de ce segment. C'est fort raide, hein? C'est fou furieux. Comme ça. Foilier. Donc, 10e place en anglophone, The Bar Brothers et Even the Darkness Has Arms. Ça monte de 9 places. C'était nouveau la semaine passée. Et notre ancien numéro 1, les gars de Mashup qui descendent avec la chanson Le Truck de la Shop. Swing-nous ça, là. Pars le truck puis swing. Pas prends le truck puis sans le swing comme les truckers de Joker. Certains truckers. Puis quelques truckers. J'ai déjà au moins un truckeur. Juste un. Mais les gosses sont pas encore arrivés. Faut la bête qui se grille, le truc bien loco. Mais s'asseoir comme un pour faire un institut de bouquin avec les gars de ma chambre.

Maybe the water went dry, keeping an eye on you. And with an eye on you, you could drown me too. The people will raise a whole lot of hell above the water and the windmill. And although I stab chaotically, sworn oath in my history, it's a miracle I can see. Even the darkness has arms, but they ain't got you. Maybe I have it, and I have you too. And a light in the window to pass the night through. Maybe so uncertain, well, what can I do? Keeping it on, keeping it on. Man, I know I like it, but what does that do? Sometimes I worry I don't know how to love you. The Bar Brothers et Even the Darkness Has Arms, position numéro 10, ça monte de 9 places, c'était nouveau la semaine passée du côté anglophone, et avant ça, on entend les gars de Mashup et le truc de la shop, l'ancien numéro 1 qui descend de 9 places. Plus tôt dans l'émission, on a mentionné, on a fait jouer même en 15e place la formation Return for Refund avec leur extrait TV Light sur l'album Return for Refund. Quel drôle de hasard de recevoir en temps réel, en direct par la poste, hein, 3 albums de Return for Refund. Je vous les offre par générosité extrême. Hein? C'est gracieux aussi de s'y foutre. Donc, si vous m'appelez en studio au 819-376-5183 pendant le prochain bloc musical, c'est évidemment pour les auditeurs du mercredi qui nous écoutent en direct le 26 novembre à 15h10 environ. Donc, 819-376-5183 pour gagner un album de Return for Refund. On retourne entendre les 9e places. En anglais, c'est Century Palm et To The Either, mais pour l'instant, voici Propofol et La Rivière au 89 FM. C'est fou. 819-376-5183.

sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89. Fou de trouvailles. C'est fou, 89.1. 8. The Way It Goes par The Seasons, position numéro 8, anglophone, ça monte de la 17e, c'est nouveau la semaine passée. Avant, on a entendu les Marinelli et Sous la Lune qui monte de la 19e place, qui était aussi nouvelle la semaine passée. On est rendu au 7e place. Du côté anglophone, c'est Electric Youth avec Runaway qu'on va entendre qui descend de 2 places. Mais avant ça, Fanny Bloom a une pièce, elle, sur l'album punk qui s'appelle Blanc. Blanc, pan, ça rime, quand ça rime, c'est vrai. C'est des palmarès assez fous, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Qu'on pourrait bien dire, qui rime avec palmarès en Grèce. Hein? Si tu veux reprendre le fil de nos sentiments, je te dirai sois prudent, mon amour à moi est grand. Si la maison brûle dans mes souvent, c'est parce que j'ai peur pour toi. Tu as encore peur de moi. Pourtant j'ai tout repeint en blanc et j'ai ouvert la fenêtre. Je t'attends. Je suis fatiguée. Tout est fini, tant mieux pour toi. Tu es toute la vie. Electric Youth et Runaway se descendent de deux places en 7e position anglophone et avançant en franco. On avait Fanny Bloom avec Blanc qui monte de la 18e place et qui était nouvelle la semaine passée. Avant de continuer avec les positions numéro 6, Deux Pouilles en Cavale et D-Man Queen, c'est le moment de retourner en arrière. Voici C'était fou. Et cette fois-ci, on recule à la semaine du 21 novembre 2008. Take my water. send it out to sea. Thank you. C'était le Black, c'était fou pour la semaine du 21 au 27 novembre 2008. On a commencé avec le numéro 1 francophone, Vanesse Pariétaire et Exil sur l'album Vanesse Pariétaire. En première anglophone, c'était Chad Van Gierlin et Willow Tree sur Soft Airplane. Et on vient d'entendre la pièce bonus que j'ai choisie parmi les deux top 20. C'est Library Voices avec Step Off the Map and Flute. Si on retourne voir cette même semaine-là en 2008... pour savoir ce qui se passait à, tu sais, genre, autre que ce que je vous ai choisi, mettons, si on veut. C'est un peu 21 novembre. Voilà. Donc, on avait aussi du côté francophone Chinatown, il y avait André, Cœur de Pirate. Hein? Il y avait aussi Carquois, La Barque Machine, Les Maléchés, Caïman Fou. Du côté anglophone, il y avait entre autres The Stills, Winter Gloves, Mother Mother, Hey Rosetta, Elliot Broad. Metallica était là et Sebastian Granger, ainsi que Block Party. Donc, c'était la semaine du 21 au 27 novembre 2008. On retourne à nos palmarès. Il nous reste juste assez de temps pour entendre les positions numéro 6. C'est rare qu'on ait l'occasion de les entendre les deux, donc allons-y rapidement. En anglophone, c'est The Mannequin avec Sucker Punch qui monte d'une place, mais tout de suite en francophone, ça descend de deux places. Voici Ouais, mais là, de deux pouilles en cavale. C'est des palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Et c'est sur le 89.1 FM. Incroyable, mais vrai. Spécialement des Mannequins et Sucker Punch. Position numéro 6, anglophone. Avant, c'était 2 Pouillon Caval et Wimela qui descendent de 2 places. C'est la fin de la portion top 10 des Palmarès Sifu. On se retrouve dans quelques instants pour la portion top 5, la troisième heure. On entendra évidemment notre top 5, mais aussi, on va savoir si nos premières positions sont toujours du côté anglophone, The Pack 80 avec Cellophane. Et en francophone, je peux vous apprendre à l'instant qu'elle est rendue en 10e place. C'était les God Mashup. On se retrouve dans quelques instants au Palmarès Sifu. D'exploration. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89. C'est fou. Bon retour, c'est la portion top 5 des Palmarès Sifu pour la semaine du 24 au 30 novembre 2014. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Cette semaine, on essaie une technique contraire. D'habitude, on fait le bang où t'es là au début à la fin et au milieu, t'es pas là. Là, on essaie le zigzag. T'es là, t'es finalement, je suis comme du parmesan, je suis parsemé. Oh, oh, parle-moi pas de fromage, Jean-Philippe, s'il te plaît. Position numéro 5, anglophone. C'est le Pretty Reckless et Absolution qui monte de la 9e place. Et qui descend, qui monte d'une place, pardon, c'est Philippe Braque avec ses tout oubliés. Au Palmarès Sifu, tout de suite. Quand je cherche dans mon verre plein, je me retrouve dans mon verre vide. Puis là, je deviens toute sec, puis beaucoup trop lucide. Je redeviens à jeun, je commence à dire n'importe quoi. Puis tout au fond de moi, ça croît. Oui, j'ai plus peur de moi. Ça fait que débarque au bord, puis prépare mon salut des pieds. Oh, moi, je suis shooter de Jäger, que je fasse honte à ma mère. De toute façon, je me sens bien, parce que je sais que demain, c'est tout oublié. Je tiendrai comme un homme. Scotch, scotch, je me rallume un autre botch. Jäger, j'ai mal au cœur. Ça fait que débarque au bord, puis prépare mon salut tes pieds. Shooter de Jäger, que je fasse honte à ma mère. De toute façon, je me sens bien, parce que je sais que demain, c'est tout oublié. Puis je pourrais t'oublier, mais c'est tout oublié. Yeah. tout oublier. Qui je pourrais t'oublier? Qui sait tout oublier? Je pourrais t'oublier. Thank you. 5e et 4e place des palmarès. On vient d'entendre The Pack 80 avec l'ancien numéro 1, c'est Cellophane, maintenant 4e place. Avant ça, Le Couleur et Concerto Rock qui montent de 16 places, c'était nouveau la semaine passée. Avant ça, les 5e en anglophone de Pretty Reckless et Absolution qui montent de 4. Et en franco, Philippe Braque et C'est Tout Oublié qui montent d'une place sur l'album La Foire et L'Ordre. On est rendu dans le top 3 déjà de notre émission. Ça monte. On va bientôt savoir qui est au sommet. Alors, on va aussi avoir le bloc ailleurs dans les palmarès dans quelques instants. Fait après le prochain bloc, les troisièmes places. En anglophone, ça monte de une. C'est Lisa Leblanc et Goldiggin Hoedown. Tout de suite, par contre, ça reste stable. Voici Kepler et Scaphandre dans les palmarès. C'est fou. Sur les 89 FM. Faites-vous un point si j'hallucine, si j'écris des noms à l'encre de chine. Partout sur les murs de mes pieds à ma tête. Si je deviens fou, si je m'élance dans la vie. Je vous entends, je vrille de peur. J'irai quelque part au fond de la mer. Lisa Leblanc et Gold Digging Hoedown, ça monte d'une place, on a le fun, troisième place. Et Franco, c'était Kipler avec Scaffold qui est stable, quatrième semaine de présence. L'album s'appelle Déséquilibre. Avant de passer au deuxième, c'est-à-dire Caravan et OK Go, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Oh, c'est d'ailleurs dans les palmarès, on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone, c'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des succès canadiens, un top 10 loud et un top 10, un top 5, pardon, musique du monde. Tout le temps, je me trompe dans un des quatre. Dans le top 30 des albums, une seule entrée en 19e place, c'est Annual Know Us by the Trail of Dead et leur nouvel album 9. En 3e place, c'est stable, Elisa Leblanc et Highways, Heartaches and Time Well Wasted. En 2e, ça monte de 8, OK Go avec Hungry Ghost. Et en 1ère place, c'est stable, 12e semaine de présence pour Brill Boozers par The New Pornographers. Dans le top 3 des disques canadiens, en 3e place, on trouve The Mannequin avec l'album Neon Zero. En 2e, ça monte de 1, Lisa Leblanc avec Highways, Heartaches and Time Well Wasted. Et finalement, en 1ère place, c'est stable, 12e semaine encore pour The New Pornographers et Brill Boozers. C'est similaire au top 30, au top 3 du top 30 des albums, sauf OK Go qui est pas canadien. Hein? Dans le top 10 Loud, une seule nouvelle entrée, c'est en 3e place, donc on va faire le top 3 au complet. Machine Head, pour commencer avec Bloodstone and Diamonds. En 2e, ça monte de 8, nouvelle entrée de la semaine passée, c'est l'album Citadel par Ne Obliviscaris. Et on remplace, c'est stable, 10e semaine de présence pour Blood God et l'album Blood is My Trademark. Dans le top 5 Musique du Monde, pour terminer, une nouvelle entrée en 5e place, Comment ça va? Par l'artiste BKO Quintet sur l'album Bamako Today. En 3e place, ça monte de 1, la pièce Fauchée par Erad sur l'album Erad. En 2e place, c'est l'ancien numéro 1, Hayat, une pièce de Kiran Alualia sur l'album Sanata Stillness. Et en 1ère place, c'est stable. C'est l'extrait Mardi Gras featuring Jacobus de Pierre Quenders sur l'album Le Dernier Empereur Bantou. Voilà pour le top 5 musique du monde. Justement, ça fait un petit bout qu'on n'a pas entendu une pièce du palmarès musique du monde. La semaine passée, on écoutait un extrait du palmarès Loud. Oh yeah, hein, il l'a-tu dit? Donc on va entendre, tiens, pourquoi pas le nouvel extrait par l'artiste BKO Quintet sur Bamako Today. On écoute Comment ça va? Palmarès, c'est fou. C'est ailleurs dans les palmarès. Hey, parle-nous la guitare. Sitar, guitare. Truc à cordes. Hein? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va chez vous? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va chez toi? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va chez vous? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va chez toi? Jadria Barodi, dear Danturi, Dunias Murari, dear Danturi, Lope and Abilite. Don't someone do love and then will abandon the medema for you. Fruit with us at the Bana Fru, Mangma de Banya Vola, Musopologian in the Rabana Kulanjan in his Robado. Can't so know what you like, Massage, and his also was in a Thomas in Dembro. Can't so good look at a big company, can't so good look on that lap. Kanzo so kana nyega kandigiri kanezo so mbiela nyebege nyeri kanzo so so na nyega kuna soye mola so mesra mala so ante mola so mesra mala ngasra mba zwa vani ala mandi kanzo jini kela nyega kuji kanezo kumle vila kudunda kunye kemulula kanzo ne nguna ngada kuma kya wale lo bara kusa ni lo ngiri ngolo bo bara mega kusa ni tawa bara di da bara kolo suma kapu kwa mwanjo hani ba mwanjo daji na tafu ke bara do bonga kwa mwanjo kuru chama wakleni kula njango ina kudu manjini ya jini sabujala Nigeria gave me a lamb of an American idea by a big idea. Don't have one now, Gundala, Moladula, Comas Mayala. Comment ça va chez vous? Comment ça va chez toi? Les artistes d'aujourd'hui n'ont pas abandonné. La musique, c'est ma vie. Je vais vous conter ma plus belle pensée. Moi, je vais chanter. Laissez-les jouer. pas chez vous. Comment ça va chez toi? Comment ça va chez vous? Comment ça va chez toi? Oh! T'es rendu que tu me tutoies? Ça fait tellement longtemps que tu me demandes comment ça va que je pense que tu peux me tutoyer. C'était quelque chose. On peut dire que c'était quelque chose. C'est un genre. BKO Quintet. C'est ce qu'on vient d'entendre. Avec la pièce Comment ça va, vous l'aurez deviné sur l'album Banaco Today. Dans le palmarès Musique du Monde, bien sûr, dans la section ailleurs dans les palmarès. David Ferron, qui anime Palmarès du Monde, juste après nous, tantôt à 17h pour ceux qui nous écoutent le mercredi, nous dit que la guitare de l'intro, c'est un ngoni, un instrument traditionnel malien que je ne connaissais pas. C'est ce que j'ai dit tantôt, que c'était de la sitar ou la guitare ou quelque chose du genre, un instrument à cordes quelconque. Et bien, c'était ça. Donc, écoutez, encore une fois, Palmarès du Monde, dans sa diffusion originale, les lundis, habituellement, à 18h, excepté pour cette semaine où il va la faire dans la case de la rediffusion, qui est le mercredi à 17h. Et ça repasse aussi samedi, à partir de 15h. Palmarès du Monde avec David Ferron. On le salue! On retourne dans nos palmarès réguliers. On est rendu aux deuxième places. Du côté anglophone, il y aura OK Go avec Bright As Your Eyes qui monte de 9 places sur leur merveilleux album Hungry Ghost. Mais avant ça, en francophone, ah wow! Allons entendre Caravane et l'extrait Saint-Raymond. Et après ça, d'après moi, on devrait avoir le temps de revenir un petit peu en arrière pour écouter ce qu'on a sauté au début de l'émission. Donc Caravane avec la position numéro 2 stable. Voici Saint-Raymond tout de suite. C'est les palmarès, c'est fou sur le 89.1 FM. Hein? Mm-hmm. Ben oui, je sais bien. On dirait que je me parle à moi-même. Non, je sais bien. Chaque gorgée de rhum me ramène au début de nos histoires. Chaque gorgée de rhum me rappelle que c'est l'automne. J'ai plus envie de boire pour oublier qu'il faut recommencer. Je me fous des rockstars de fin de semaine, puis ce qu'ils pensent de moi. Ouh! OK, go away, Brad, as your eyes, qui monte de 9 places en deuxième position anglophone. Avant ça, c'était Caravan et Saint-Raymond. On écoute tout de suite les numéros 1, on revient après. Donc, en anglophone, ce sera The New Pornographers et Dancehall Domini. Tout de suite en francophone. Le numéro 1 qui monte de 6 places, c'est Noël, mais à courir tout de suite. Sur 89 FM, vous écoutez les palmarès. C'est fou. Clair, il faudrait voir plus noir. Il faudrait voir la terre, il faudrait voir la mer. L'autre bout du monde ne se trouve pas à l'autre bout. L'autre bout du monde ne se trouve pas à l'autre bout du l'autre bout du monde. première position. C'était les positions numéro 1. On va entendre The New Pornographers et Dance Hall Dominique qui montent d'une place sur l'album Real Bruisers. Et avant ça, c'était Noël et À Courir qui montent de 6 sur Le Grand Mensonge. C'est le nom de leur album à eux. Il nous reste quelques petites minutes à cette édition des Palmarès C'est Fou. Donc, on va s'écouter les pièces qu'on avait sautées précédemment dans l'émission. Alors, on va commencer par le bloc des 13e et 12e en anglophone. Plus tard, Dead From Above 1979. Mais commençons en 13e place à Monde 2. Voici Rich Aquin et Four More Years. Tout de suite, 89 FM, c'est les Palmarès C'est Fou. This is the start. We only just got here. It's a war part, but we still got. We still got four. We still got balls, yeah. les deux pièces qu'on avait sautées en début d'émission. Donc, on vient d'entendre Dead From Above 1979 avec Trainwreck 1979. Et avant, c'était Rich Hawkwind avec Four More Years. Les deux sont en 12e et 13e place, respectivement. On va se quitter avec un autre extrait qu'on avait sauté. C'est celui de The Stripes, The Perfect Storm, en 17e position anglophone. Voyons, qu'est-ce que je raconte? On se retrouve la semaine prochaine en direct, les mercredis, entre 14h et 17h. Restez là pour Palmarès du Monde, qui va être exceptionnellement en direct ce soir avec David Ferron. Ensuite, c'est Audiomatique et les Audacieuses à 19h. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Restez là pour, je crois que c'est cette semaine, les Bonnets Rouges et Skypunka, comme presque chaque semaine. Et finalement, on repasse les dimanches entre midi et 15h. Restez à l'écoute en général. CIF.ca pour le site de la station, la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Comme je disais, on se quitte avec The Stripes et The Perfect Storm sur leur album Snap Shot. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les Palmarès C'est Fou. Bonne journée! Storm. Why I could be just safe and warm. Well, we could be the perfect storm.